Note sur les documents reproduits dans l'ouvrage. Les archives utilisées dans cette enquête sont de plusieurs origines. Archives de la CIA. Il s'agit en premier lieu de mémos et notes internes de la CIA, couvrant pour l'essentiel les années 1950 à 1970. La majeure partie a été déclassifiée sous la pression d'historiens américains regroupés au sein du National Security Archive Project de l'Université George Washington. Ce groupe d'historiens mène depuis plusieurs années une véritable guérilla juridique contre la CIA qui permet régulièrement d'obtenir de nouvelles archives. Ces dossiers sont toutefois censurés par la CIA. La plupart des noms et certains éléments opératoires sensibles sont donc noircis. Ils sont de surcroît d'un accès souvent difficile par leur foisonnement, ce qui explique que nous avons en général retenu de brefs extraits significatifs. Des archives plus récentes et non censurées sont issues de fuites auprès de journalistes d'investigation. Un deuxième groupe d'archives provient du service historique de la CIA, qui produit des rapports de synthèse sur diverses opérations à des fins de formation interne. Elles ne sont pas publiées à l'extérieur avant de longues décennies, mais leur large diffusion au sein de l'agence peut expliquer que certaines se retrouvent finalement aux mains de journalistes. Rapports de commissions d'enquête ou d'investigation menées par des institutions étrangères. Les premières commissions d'enquête sur la CIA datent des années 1970. Le rapport de la commission Church, 1975, est issu d'une enquête de 14 membres du Congrès suite au scandale du Watergate, mais dont les investigations se sont étendues aux opérations secrètes de la CIA à l'étranger. La commission Rockefeller est mise en place par le président Gerald Ford suite aux révélations par le journaliste Seymour Hersh selon lesquelles la CIA avait espionné les activistes américains pendant la guerre du Vietnam. La commission sénatoriale Brown-Kerry, 1992, a enquêté sur la faillite frauduleuse de la banque BCCI. D'autres enquêtes citées ici ont été menées par ou pour le compte de la justice américaine, tel le rapport Ryan sur la protection de Klaus Barbie. Parmi les enquêtes étrangères sur les agissements de la CIA, nous en avons retenu deux, particulièrement crédibles. Celle du gouvernement néerlandais sur les événements de Bosnie dans les années 1990 et celle du Conseil de l'Europe sur les prisons clandestines de la CIA en Europe, rédigée par Dick Marty. Témoignages d'anciens officiers. Parmi les milliers de témoignages déjà publiés ou inédits, nous en avons retenu un petit nombre qui apporte des éléments inédits et présente de solides garanties de sérieux. Ils proviennent d'anciens officiers de l'agence aux états de service impressionnants et qui ne sont pas motivés par le ressentiment envers leur ancien employeur. Chaque nouvelle recrue de la CIA doit signer un accord l'obligeant, après son départ de l'agence, à lui soumettre tout manuscrit destiné à la publication, pour censure préalable. La plupart se soumettent à cette obligation, ce qui explique que certains passages sont noircis. Les interviews données aux médias ne sont pas censurées par la CIA, mais soigneusement relues par les services juridiques des chaînes et journaux. Malgré tous ces filtres, comme on le verra, la moisson est considérable. C'est pourquoi seuls quelques rares chapitres ne comportent pas de documents à l'appui. Chaque chapitre s'ouvre par une présentation synthétique qui peut se suffire à elle-même ou, au contraire, préluder à un approfondissement grâce aux archives présentées. Certains dossiers, tels que l'Iran, reviennent à intervalles réguliers dans l'histoire de l'agence et peuvent être lus à la file.